Vous aimez la musique ? Oui, j'aime le jazz. Vous aimez le sport ? Oui, j'aime le tennis. Vous aimez les fruits ? Oui, j'aime les fruits rouges.